voisine attend des scandales là. Voisine a couru fini. Voisine a dit son qui est voisine. C'est docteur Mirri. Racontez qui sont sentis. Qui sont sentis. Oh, mon jacquin, mon seul mot. Là qui pour. You seul mot, Kébé. Il va penser si Marie t'a Kébé dans la condition là. Oui, oui, oui. Qui porte? Non, qui tout? À qui clé?